While you've been wriggling and jiggling to the bona fide, exclusive, superlative, outstanding, and superior, supreme sounds of the man that we call the B-I-G-R-E-D, a.k.a. Big Red Possible! My God, not again! You're in tune to the big, tough and ready sounds of the bigger, better, redder, imperial, Mr. Big Red Soap and Tarot One! Pierre-Paul-Ville, Joseph Till, c'est facile, il n'y a qu'à y aller. N'abandonne pas comme ça, reçois et donne, tout va bien se passer. Je représente, tu représentes, nous représentons, c'est un tas de personnes, tout logis en ta souhait. Tout honneur, tout respect, le déshonneur, laisse-le où il est. La main sur le cœur, sans juger, la tête droite, toujours au pied. Commence à border, border, sans déborder, border, passer pour un mourir, trahi par ses pensées. Vu que t'as vu cette fille, jeune fille, t'as vu ce gars, dans tes yeux ça brille, dans les siens j't'en parle pas, partout ça scintille, comme dans un feu de joie, cesse de jouer gobi, et puis annonce-toi, ce soir c'est la crie, t'enterre ton célibat, n'en fais pas trop quand tu t'habilles, juste propre sur toi, mademoiselle quand tu te maquilles, surtout n'abuse pas, c'est facile, il n'y a qu'à y aller. Dance music make it hot, dance music make it hot, reggae music make it hot, reggae music make it ladies in the place make it hot, ladies in the place make it hot, to the top. Briser la glace qui vous sépare, comment de manière efficace traverser le boulevard. Trouver le courage d'aller plus loin que le regard. Tout le temps, tout est possible, essaye donc pour voir. Oh, oh, quand où ça marcherait, oblige-toi à y aller. Oublie pas de bien parler, opérer discret. Originalité, opportunité, aucun son rêvé. Au cas où elle te plaît. Dance on music, make it hot. Dance on music, make it hot. Reggae music, make it hot. Reggae music, make it hot. Ladies in the place, make it hot. Ladies in the place, make it hot. Dance on music, make it hot. Reggae music, make it hot. Reggae music, make it hot. Ladies in the place, make it hot. Ladies in the place, make it hot. Number one sound all around the world, let's go. Soul killer, quel MC mêle de fire. À l'intérieur de toi, ça brûle, ça bouge. Y'en a forcément un ou une dans le même état. Y'a celle qui veut ta fortune et celle qui te veut toi. Fais péter des barrages qui t'empêchent de kiffer ça. L'homme ou la femme de ta vie, y'en a qu'un ou qu'une ne la rate pas. Si à cause d'un blocage, je t'étais pas présenté, tu peux tourner la page, je crois que c'est foiré. Tu aimes le contact, il faut te connecter. Come again, mon MC, missing. Sois naturel, ne te pointe pas masqué. Tu ne te feras pas la part belle une fois le masque tombé. C'est à toi d'avancer, toi d'engager. En tout honneur, tout respect, tu dois lui parler. Perds pas le fil, joue subtil. C'est facile, il n'y a qu'à y aller. Dance on music, make it hot. Dance